seul sur la plaine humide. Les ombres dansent, silhouettes timides. Riderskiller l'avance, silhouette résolue. Chaque pas compte, le jour est venu. Et on se barre le chemin. Serre les poings, serre les rangs. Face à l'orage, toujours vaillant. Les prières montent douces et claires. Sous la Riderskiller veille, sentinelle fidèle, protège la vie, déjoue les querelles. La fraternité danse au rythme du vent, chantant l'espoir malgré le temps. Sentinelle du matin. Le sol tremble, le tonnerre gronde. La bataille éclate, la peur succombe. Les ennemis ploient sous nos cris forts. Le courage guide, efface les torts. Riderskiller hurle guerrier dans la nuit. Face au danger, il tient son bruit. Les blessures saignent, mais on tient. Chaque larme forge notre chanson. La solidarité éclaire nos pas. Unis pour toujours, envers et contre toi. La brume s'efface, le feu. Chaud souffle sur la vallée. Le cœur s'embrase, prêt à lutter. Riderskiller, lève l'épée haute. Vers la victoire, la route. sabots frappent, le pas résonne. La marche avance, la force résonne. Riders qui mènent, regard de feu. Chaque bataille révèle les vœux. Dans l'écho, la lumière danse sur cette terre. Notre puissance. Le calme revient, fragile et tendre. Mais sous la surface, tout peut reprendre. Nos âmes liées par la foi. Dans ce monde qui ne dort pas, on tient bon malgré la peur. On avance porté par le cœur. Les feuilles frémissent, la nuit. Écoute, chaque souffle porte notre route. Riders, qu'ils sont.